Et ouais c'est triste. J'ai glissé sur une flaque de piste. Je maîtrise plus rien tout en rêvant de la vie d'artiste. Tu pactises avec mes démons du soir au matin. J'ai longtemps pensé que cette histoire finirait bien. Mon train de vie somme 3, suis d'un tiers mon 10. Mon père me le répète sans cesse. Je glisse dans les abysses. Du désespoir anéanti de tout repère. Même d'humeur sévère, il faut que je persévère. Avant que je perde le contrôle total de mon esprit. Avant que je sois encerclé par le mur de mes ennuis. Le cadet de mes soucis, c'est ce que je vais devenir. Il faut que je le dise, me projette pas dans l'avenir. Et si à pire, j'arrive pas à relativiser. J'ai du mal à vivre, encore pire à évacuer. Ces pensées malsaines qui m'accompagnent dès le réveil. Cette haine que je traîne pas depuis la maternelle. J'ai du mal à vivre, j'ai du mal à écrire autre chose. J'ai du mal à ressentir la simplicité des choses. J'ai du mal à faire le tri, j'ai du mal à faire le vide. Mais trop facile aller à la dérive. J'ai du mal à vivre, j'ai du mal à écrire autre chose. J'ai du mal à ressentir la simplicité des choses. J'ai du mal à faire le tri, j'ai du mal à faire le vide. Mais trop facile aller à la dérive. Et ouais c'est triste. Parce que je bloque, j'en ai tourni. Mettre un cadenas sur mon cœur afin d'éviter de souffrir. Mais le pire, c'est que ça m'empêche aussi de sourire. Moi qui voulais partir, piégé dans mes délires. J'ai du mal à gérer ce qui me fait mal. J'ai du mal à me contenter du banal. J'ai du mal à acquérir la fierté de mes parents. J'ai facile à me perdre dans le faux et le déroutant. Je suis débutant, mais expert en accumulation de peine. Je suis en conflit, je lutte, je me démène avec moi-même quand c'est plus la peine. Du mal à trouver le sommeil, accablé par les problèmes. Besoin du repos éternel, j'ai pas trop de séquelles. J'ai du mal à pas les voir, j'ai facile à voir le blanc se transformer en noir. Coup de cafard plus fréquent que les purs moments de joie. Entre combat et abandon, j'ai du mal à faire un choix. J'ai du mal à vivre, j'ai du mal à écrire autre chose. J'ai du mal à ressentir la simplicité des choses. J'ai du mal à faire le tri, j'ai du mal à faire le vide. Mais trop facile aller à la dérive. J'ai du mal à vivre, j'ai du mal à écrire autre chose. J'ai du mal à ressentir la simplicité des choses. J'ai du mal à faire le tri, j'ai du mal à faire le vide. Mais trop facile à aller à la dérive. Et ouais c'est triste, parce que je suis seul dans ma tête. Seul dans ma def et c'est bien ça qui m'embête. Je répète depuis plus d'un an les mêmes conneries. J'ai du mal à profiter du bon côté de la vie. Parce que je vois plus que le vice. Impasse de l'infidélité chaque soir. C'est le même supplice, mes peines fleurissent. Et mes espoirs s'amenuisent. J'ai du mal à pas dire de conneries. Tomber dans la bêtise, j'attise ce mal de vivre. Quand j'ai du mal à le dire, ce qui pousse à faire pire. J'ai du mal à le définir. On se dit tant pis, c'est pas grave si tout empire. Et qu'un beau jour, on finira tous par en rire. Par en rire, par en rire.